TVA, droit à déduction, EHPAD. Les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, réalisent des prestations d'hébergement et d'assistance à la dépendance soumises à la TVA. Ils sont par ailleurs astreints à une obligation de soins des résidents. Une partie des coûts liés à cette prestation de soins est prise en charge au travers du forfait soins qui est exonéré de TVA. Dans ce contexte, le Conseil d'État a jugé que les dépenses d'administration générale et de fonctionnement, ainsi que les dépenses d'entretien général des bâtiments qu'un EHPAD est tenu de répercuter dans le prix de ses seules opérations taxées, hébergement, restauration et assistance à la dépendance, ouvrent intégralement droit à la déduction de la TVA les ayant grevés, bien que ces dépenses soient également utilisées pour la réalisation de ces prestations de soins exonérées. Vous noterez que le Conseil d'État écarte ainsi, dans cette hypothèse particulière aux EHPAD, l'application du prorata de déduction. Cette décision importante fait prévaloir l'affectation financière des dépenses sur leur affectation matérielle en se fondant sur le principe de neutralité de la TVA. Cela mettra sans doute fin aux nombreux contentieux pendants devant les juridictions administratives.